Lettre ouverte au ministère israélien de la Santé. Il est temps d'admettre l'échec. Par le professeur Ehud Kimron. Opinion sans phare. Aujourd'hui, avec le professeur israélien Ehud Kimron. Professeur Ehud Kimron. Le professeur Ehud Kimron, chef du département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Tel Aviv et l'un des plus grands immunologistes israéliens, a écrit le 6 janvier 2022 une lettre ouverte au ministère israélien de la Santé. Dans celle-ci, il critique l'approche israélienne, mais aussi mondiale, de la politique du Covid. Il en expose les conséquences de manière très complète. Écoutez maintenant la lettre enregistrée qui commence par la phrase suivante. En fin de compte, la vérité finira toujours par éclater et la vérité sur la politique du Covid apparaît lentement au grand jour. Ministère de la Santé, il est temps d'admettre l'échec. En fin de compte, la vérité finira toujours par éclater et la vérité sur la politique du Covid apparaît lentement au grand jour. Lorsque les concepts destructeurs s'effondrent les uns après les autres, il ne reste plus qu'à dire aux experts qui ont dirigé la gestion de la pandémie, nous l'avions bien dit. Avec 2 ans de retard, vous réalisez enfin qu'on ne peut pas vaincre un virus respiratoire et qu'une telle tentative est vouée à l'échec. Vous ne l'admettez pas, car vous n'avez pratiquement admis aucune erreur au cours des 2 dernières années. Mais avec le recul, il est clair que vous avez lamentablement échoué dans presque toutes vos actions. Et même les médias commencent à avoir du mal à dissimuler leur honte. Malgré des années d'observation et de connaissances scientifiques, vous avez refusé d'admettre qu'une infection arrive par vague qui se résorbe d'elle-même. Vous avez insisté pour attribuer tout déclin d'une vague à vos seules actions et par une propagande trompeuse, vous présentez les choses comme si vous aviez vaincu l'épidémie. Une fois de plus, vous avez échoué, et ce, encore et encore. Vous avez refusé d'admettre que les tests de masse étaient inefficaces, alors que vos propres plans d'urgence l'affirmaient explicitement. Vous avez refusé d'admettre que la guérison est plus protectrice qu'un vaccin, malgré les connaissances et les observations antérieures montrant que les personnes vaccinées qui n'ont pas contracté le virus sont plus susceptibles d'être infectées que les personnes qui l'ont contracté et sont guéries. Vous avez refusé d'admettre que les personnes vaccinées étaient contagieuses, malgré les observations faites à ce sujet. Sur cette base, vous espériez obtenir une immunité de masse grâce à la vaccination, et ça ne vous a pas réussi non plus. Vous avez persisté à ignorer le fait que la maladie est 10 fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les personnes âgées que pour les jeunes, qui ne font pas partie des groupes à risque. Et ce, malgré les conclusions qui ont été tirées dès 2020 en Chine. Vous avez refusé d'adopter la déclaration de Barrington, signée par plus de 60 000 scientifiques et médecins, ou tout autre programme raisonnable. Vous avez préféré les ridiculiser, les calomnier, les déformer et les discréditer. Au lieu d'utiliser les bons programmes et les bonnes personnes, vous avez choisi de faire appel à des professionnels qui n'ont pas la formation adéquate pour gérer une pandémie. Des physiciens en tant que conseillers principaux du gouvernement, des vétérinaires, des agents de sécurité, des journalistes, etc. Vous n'avez pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des vaccins. Les rapports sur les effets secondaires ont même été supprimés de votre page Facebook. Les médecins évitent d'associer les effets secondaires au vaccin de peur que vous les poursuiviez, comme vous l'avez fait avec certains de leurs collègues. Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de modifications dans l'intensité et la durée des menstruations. Vous avez caché des données qui auraient permis de mener des recherches objectives en bonne et due forme. Vous avez, par exemple, supprimé les données relatives aux passagers de l'aéroport Ben Gurion. Au lieu de cela, vous avez publié des articles non objectifs sur l'efficacité et la sécurité des vaccins, en collaboration avec des cadres supérieurs de Pfizer. Une perte de confiance irréversible. Dans votre orgueil démesuré, vous avez également ignoré le fait que la vérité finira par éclater au grand jour. Et actuellement, elle devient de plus en plus évidente. La vérité, c'est que vous avez porté la confiance du public au niveau le plus bas, jamais atteint, et que vous avez sapé votre statut de figure d'autorité. La vérité est que vous avez brûlé inutilement des centaines de milliards de shekels au cours des 2 dernières années. pour la diffusion d'intimidation, pour des tests inefficaces, pour des confinements destructeurs et pour la destruction des habitudes de vie quotidienne. Vous avez détruit l'éducation et l'avenir de nos enfants. Vous avez fait en sorte que les enfants se sentent coupables, aient peur, fument, boivent, deviennent dépendants, abandonnent l'école et se disputent, comme le confirment les directeurs des écoles dans tout le pays. Vous avez porté atteinte aux moyens de subsistance des personnes, à leur santé mentale et physique, à l'économie et aux droits de l'homme. Vous avez calomnié des collègues qui ne se sont pas soumis. Vous avez dressé les gens les uns contre les autres. Vous avez divisé la société et polarisé le discours. Vous avez stigmatisé les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner comme des ennemis du public et des propagateurs de maladies, sans aucun fondement scientifique. Vous faites progresser de manière inédite une politique draconienne de discrimination, de déni des droits et d'exclusion des personnes en raison de leur choix médical, y compris des enfants. Une politique d'exclusion pour laquelle il n'existe aucune justification épidémiologique. Si vous comparez la politique destructrice que vous menez avec la politique raisonnable de certains autres pays, vous pouvez clairement voir que les destructions que vous avez provoquées n'ont fait qu'augmenter le nombre de victimes du virus, au-delà des victimes dans les groupes des personnes vulnérables. L'économie que vous avez ruinée, les chômeurs que vous avez fabriqués et les enfants dont vous avez détruit l'éducation sont les victimes collatérales dues uniquement à vos propres actions. Il n'y a pas d'urgence médicale à l'heure actuelle, mais vous avez cultivé un tel état depuis 2 ans par votre soif de pouvoir, d'argent et de contrôle. La seule situation d'urgence que nous connaissons actuellement est que vous continuez à décider de la politique et allouer d'énormes budgets à la propagande et à la psychotechnique, au lieu de les utiliser pour renforcer le système de santé. Cet état d'urgence doit prendre fin. Professeur Ehud Kimron, Faculté de médecine, Université de Tel Aviv.